petit tout excité, fait qu'exciter les cités. Il hait la mendicité, il nie la nécessité, il fuit la complexité, pas dans la simplicité, il souffre de cécité, nage dans la félicité. Un petit tout excité qui fait qu'exciter les cités. Il a une capacité, d'avocat faut la citer. Son fils est félicité, pour sa grande précocité. Il dit les bénécités, il vante la laïcité, n'aime pas l'université, préfère l'efficacité. Un petit tout excité qui fait qu'exciter les cités. Il fuit la rusticité, préfère la lubricité, il sème la perplexité, travaille en férocité. Il s'octroie tout droit de cité, il fait sa publicité, il fait que s'autociter, il ne fait que réciter. Un petit tout excité qui fait qu'exciter les cités. S'il est faible en densité, il a de l'intensité, sa grande motricité, fait qu'il est sollicité, sa grande complicité, couve des atrocités, tout devient opacité lorsque son nom est cité. Un petit tout excité qui fait qu'exciter les cités. Peu doué pour la mixité, autant grande diversité, c'est avec voracité qu'il gouverne la cité, c'est pas de la pugnacité, c'est de la rapacité. Malgré sa duplicité, il n'est pas plébiscité. Un petit tout excité qui fait qu'exciter les cités.